Alcatraz, des Marines, Nicolas Cage. Cette semaine, on a maté The Rock et on en parle tout de suite. Alors, ma flamme, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu cette semaine consacrée à Rock de Michael Bay, le Rocher, titre québécois. Pour en parler avec moi ce soir, Julie, bonsoir. Bonsoir. Sarah, salut. Salut. Greg. Bonsoir. Et Michael. Bonsoir Antoine et bonsoir à tous. Cette semaine, nous sommes tous réunis pour parler de Rock de Michael Bay, sorti en 1996 de 136 minutes, avec Sean Connery, Nicolas Cage, Ed Harris. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. Son nom est John Mason, un sujet britannique incarcéré à Alcatraz en 1962. Il s'est évadé en 63. Cet homme n'a aucune identité, ni aux États-Unis, ni en Grande-Bretagne. Il n'existe pas. Les secrets ont le pouvoir de revenir vous obséder. Il y a eu une prise d'otage à Alcatraz. 80 touristes. Le rocher est devenu une attraction touristique. L'homme que vous avez formé pour vous défendre devient votre pire menace. Une batterie de roquettes chargée de gaz VX est en ce moment déployée et prête à anéantir toute la population de la baie de San Francisco. Et celui que vous avez abandonné devient votre seul espoir. Vous allez lui parler. Moi? Oui. Bonjour. Je suis un agent du FBI. Je m'appelle Stanley Goodspeed. Je veux bien le croire. Au moins, il sait comment il s'appelle. Tout ce qui sépare une cité du désastre. Oh là là, vas-y, un coup, ça doit être horrible. C'est la bande-annonce VF officielle. Ah bon? Ce gars-là n'a dû faire qu'une bande-annonce. Mais il était viré après. Il tous vos ennemis WoW sont. 2000, je crois. Putain, mais. J'ai cru que c'était la bande-annonce de W9, parce qu'il est passé à la télé récemment, et j'ai cru que c'était ça. Non, c'est mais là, t'as chopé une bande-annonce M6 ou un truc comme ça. J'ai comparé, c'est la bande-annonce américaine, c'est les mêmes images avec les voix françaises, et c'est la VF, c'est la voix française, quoi. Mais c'est incroyable. Ah oui, non, c'est pas très bon, là. Là, je pense que lui est en doublage 2000. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, messieurs, dames? Je commence par Greg. Non, j'ai pas trop envie de me prononcer, parce que de toute façon, on sait toujours ce que je vais dire. C'était un chef-d'œuvre. Non, après c'était. Non, franchement, je l'ai maté à la couche, j'ai maté vitesse normale. 1,2. J'ai maté la version longue directement. Tu vois, j'ai voulu faire bien mon boulot. Et ah, il y a pas de version longue. Merde. Non, c'était pas si terrible. C'était un Nicolas Cage, quoi. Le film du dimanche soir sur TF1, quoi. Tu vois, bon, ça pourrait être un bon soulis ou rien de spécial, quoi. Moi, j'adore ce film. Je trouve que c'est le meilleur film de Michael Bay, clairement, pour moi. C'est un des meilleurs films d'action. Ça, c'est relativement facile, hein, quand même. Ouais, mais oui. C'est pour moi un des meilleurs films d'action. Je pense que, avec je pense que le film de mariage de mon oncle est mieux que le deuxième meilleur film de Michael Bay. Donc. Voilà, non, vraiment, c'est un des meilleurs films d'action. Le film de mariage de mon oncle. On s'est fait une séance l'autre fois, les noms. Oh là là. On va faire un 2 heures de perdu dessus. Oh, t'as vu quand Corinne, elle renverse son cocktail. Oh, puis la Brigitte, comme elle danse, regarde. Non, vraiment un de mes films d'action préférés, donc je valide à 100%. Michael. Bah déjà, je suis heureux de voir que Greg et Julie sont d'accord. Pour bah moi, écoute, je suis content de l'avoir vu. Alors par contre, j'ai emprunté le DVD à la bibliothèque et c'est bizarrement, je me souvenais pas qu'il y avait un vieux qui posait des énigmes et puis un nain qui comptait des clés. Quoi. Et puis j'ai trouvé ça moins violent, tu vois, c'est bizarre, ils étaient dans la boue. Bah, Belindra, tête de tigre. Felindra, putain. Elle a respect pour elle, elle est morte en front. Blanc. Non, ceci dit, alors, j'ai déjà regardé dans les conditions particulières, puisque en fait, moi j'ai profité de sa rediffusion sur la chaîne W9 pour la regarder. Je ne me souvenais pas. En fait, du coup, je me suis tapé 37 pages de publicité et le film a commencé à 21h, il a fini à 7h30 du matin. Tant dire que je suis fatigué. Et non, ceci dit, ils très ont honnêtement. Ils n'ont pas mis un truc de. Ah, il manque le mot, donc c'est. Ça va moins bien marcher si t'as pas le mot. Hein, quand t'as pas le mot. Non, mais je pensais à un truc de caméra cachée, tu sais, genre. Les Canadiens, là, tu sais, un zapping YouTube au milieu, quoi. Ceci étant. C'est vraiment nul de te couper pour ça, quoi, ce qu'ils sont. Oui, ceci étant, je vais reprendre la parole, mais je vois que tu ne te souviens toujours pas de ton mot. Du coup, j'étais quand même content de revoir ce film, parce que c'est un film. Véranda, c'était ça mon mot. C'est un film que j'appréciais énormément quand j'étais gamin. Je trouve que c'est plutôt un bon film. Ça vaut pas Piège en haute mer, qui pour moi est le summum du 7e art. Franchement, c'est pareil pour moi, quoi. Ah ouais, non. Ouais. Moi je préfère c'est pas terrible mais c'est comme ça enfin, je préfère Piège en haute mer. Après c'est un peu le même genre. Oui, c'est un peu le même genre. Il y a quand même plus Sarah. De moyens hein. Moi j'ai vraiment trouvé que c'était de la merde. Il y a pire que toi Greg. Ah non, et t'as pas pleuré? Non, là pour le coup j'ai vraiment pas pleuré, j'ai vraiment pas beaucoup ri non plus. J'ai pas été touchée quoi. Globalement, je suis pas rentrée dans l'univers du réalisateur. T'as pas été touchée par Nicolas Cage? Bon, il est mignon quand même, non? Il est pas mal. Ah non, alors, il fait peur. Il a l'air d'un psychopathe pendant tout le film, non? Je suis vraiment en désaccord total avec toi. Ce film est probablement dans mon top 10. Il est certainement dans le top 10 des films que j'ai le plus maté de ma vie, puisque gamin, j'ai dû le voir à peu près 300 fois. J'adore tout. Je trouve que Hans Zimmer, dont j'aime plus beaucoup la musique maintenant, je trouve que vraiment là, la BO, elle est mortelle, même si elle est méga cheesy, elle est mortelle. Ouais, mais elle les acteurs, putain, Ed Harris, Sean Connery, c'est incroyable. Je trouve c'est vraiment son vrai prénom, Ed. Ouais. Ouais, il s'appelle Ed, ouais. Ah, oui. c'est aussi le nom du. C'est lui qui a fait les magasins. Hein. je trouve que celui qui vieillit plus mal là-dedans, c'est Edouard, Nicolas Cage. Edgar, non enfin, Nicolas Cage, qui est vraiment. Il est 3 années 90 à faire ses pauvres crises là. Putain, en fait, ça commence. J'aime plus ça. Mais Sean Connery, excellent. Mais ça passe. Je trouve que tout est mortel, putain, mais tout est mortel. Toutes les scènes de fight, elles sont mortelles. Il y a de l'infiltration, il y a tout ce qui est la cool dans un film d'action. Bon, on se calme un petit peu, là, on n'est pas là pour dire c'est bien. Hein. non, j'ai adoré The Rock. Pour l'avoir revu, j'ai trouvé quelques incohérences toutefois. Voilà. À savoir que Alcatraz est fermé le samedi. Alors déjà. Juste une petite question, Antoine. C'était quand la dernière fois que tu avais vu The Rock avant de le revoir pour 2 heures de perdu? C'était avant-hier. La semaine dernière. Non, franchement, je vois une fois par an. Je m'étais fait une grosse séance popcorn. Il devait y avoir un an peut-être. Un an et demi. Ouais. Moi, donc, je l'avais jamais vu. Hein. Je l'avais jamais vu et je l'ai vu en version française. Peut-être que ça a retiré du charme au film. La VF est pas si mal. Non, moi, je l'ai vu en VO. Mais... La VF est excellente. J'ai fait en 96. Donc, on est encore à l'époque où les VF sont très bonnes. J'ai fait les extraits audio, vous allez voir, c'est top. Top. Qui résume l'histoire, Sarah, tiens. Alors, très rapidement, c'est un Marine. Marines. Toujours avec un S. Même s'il est que un. J'ai noté aussi. Donc, c'est un Marines qui, avec d'autres Marines, prend en otage des gens sur Alcatraz. Et en plus de ça, il a des missiles avec des bombes chimiques dégueulasses. Et il dit qu'il va envoyer les bombes chimiques sur San Francisco si l'État ne verse pas sur un compte en banque de l'argent pour donner aux familles à d'autres Marines qui sont morts sur des champs de bataille. Oui, c'est pour ce qui fait de l'argent, allez, sur l'histoire. Si, non, alors l'idée, c'est super important. Alors l'idée, c'est de créer un plan d'épargne sur 4 ans avec la moitié de la somme. Non, mais c'est super important. C'est pas pour lui, le fric. C'est super nul, quoi. Il veut pour donner aux familles des autres Marines qui sont morts sur des champs de bataille en secret et comme ils étaient dans des zones interdites, blablabla. C'est quand même un truc méchant, mais pour des valeurs. Non, attends. Non, mais on va revenir sur le pot de vin. Tous morts. Le pot de vin. Et donc, pour aller déloger les mecs d'Alcatraz, parce que quand même, les mecs du FBI, ils sont emmerdés parce que c'est un des mecs les mieux entraînés du monde, ils vont faire appel à 2 personnes. Nicolas Cage, qui est un médecin biologiste qui fait partie du FBI. Mais qui s'y connaît bien en bombe à gaz, hein. C'est juste la connaissance. Quoi. Bonne vitesse. Monsieur Goodspeed. Voilà. Et un prisonnier, qui est un prisonnier, on ne sait pas, enfin on comprend qu'il est britannique, on ne sait pas pourquoi il est prisonnier, il n'a pas d'identité depuis 50 ans, 40 ans, qui est le seul à s'être évadé d'Alcatraz. Et puis 40 ans après, on va voir qu'Alcatraz n'a pas changé, ils se souviennent tous, c'est génial. Ça n'a pas changé d'un, ça a pas changé d'un pouce. Hein. Pas d'un iota. Voilà. Non, mais ils ont refait le réfectoire. Non, là où c'est un peu craignos, c'est que je trouve que en fait, là où n'importe quel Marines aurait fait une petite grève pour avoir les retraites des familles, lui carrément il va menacer San Francisco avec des armes chimiques. Et il y a un mec en France qui a fait ça, il menaçait Épinal, mais du coup il a pas eu ça. Alors, le film s'ouvre sur un générique superbe avec une musique triste. Il pleut, c'est l'enterrement d'un soldat visiblement. Ça le temps à la Toussaint. Hein. Ouais. Je suis désolé, c'est pas une musique triste, c'est la musique de Koh-Lanta, sans déconner. Il y a Wim Tambour. Tu l'as fait tout le temps. Oui, non, mais en gros, Hans Zimmer a fait la musique de Koh-Lanta. Voilà. Musique du courage. Il s'est totalement inspiré de la musique de Koh-Lanta, Hans Zimmer, en le streamant. Non, mais toutes ces BO, par contre, j'avoue que c'est quand même toujours la même. Ouais. Mais ça marche. On retrouve Ed Harris avec 9,5 kg de médailles militaires. Il a un plastron. Il en a au moins 60. Si avec ça, t'as pas des douleurs dorsales la nuit, putain. Alors ouais. Moi ça me fait beaucoup rire parce qu'en fait il est devant son miroir à un moment donné et tu sais il a du parfum avec l'espèce de pompe comme dans les années 30. Ouais. J'imagine en mistinguette le dimanche devant son miroir en bas. et ce qui est marrant aussi c'est que pour donner un petit peu le pitch du film, il se retrouve devant la tombe là, ouais, une tombe. Et qui parle à haute voix pour expliquer aux téléspectateurs ce qui va se passer. Mais c'est la tombe de sa femme à ce moment-là. Ouais mais enfin je veux dire, ouais. Il parle pas à haute voix quoi. Enfin, bon, moins que ce soit un film, qui, quoi. Qui parlent devant les tombes de leurs amis. Les Américains parlent beaucoup à leur tombe. À haute voix. Ouais. À haute voix. Bah, tu vas dans un cimetière là, tout ça, tu t'entends plus. Non, à haute voix peut-être. Je veux bien. Oh, je parle à ma tante. À mon avis, les Américains ont plutôt le driving du cimetière pour parler à haute voix. Tu vois. Alors. Il pleut 6 litres d'eau, hein. J'aimerais bien quand même. C'est la pluie la plus violente de l'année. Ouais. Hein, c'est vraiment une pluie battante, une pluie tristesse. Et il va évidemment Pluie de larmes. Une pluie de larmes. Mmh. Qui c'est qui lançait bien la pluie? Il y a un réalisateur français qui lançait bien la pluie. Ah bon? C'est dur comme question. C'est pas Mathieu Kassovitz? C'est Mathieu Kassovitz, c'est un grand lanceur de pluie. Ouais, en gothique. Et alors, il se confesse sur la tombe de sa femme. Il s'excuse parce qu'il va faire quelque chose de mal. Déjà, il va commencer par voler du gaz sarin. Alors, j'aimerais faire un point gaz sarin pour expliquer ce que c'est. Le gaz sarin, c'est des petites billes vertes qui ressemblent à des balles rebondissantes. Absolument. Ouais. Et alors, en fonction du moment où t'es dans le film, ça fait un effet différent. Ouais. Soit ça t'asphyxie, soit ta peau fond avec des cloques. Donc, on sait ce qui est arrivé à Rayota, du coup. Et sa mauvaise peau. Alors, gaz sarin, évidemment, qui était utilisé pendant les guerres, hein, ou gaz moutarde, en fait, c'est du truc qui est vert fluo. Hein. Ouais, faut bien savoir. Et c'est incandescent, c'est-à-dire que dans le noir, ça brille de vert, le gaz sarin. Faut savoir c'est... qu'en 14-18, tu pouvais t'éclairer au gaz sarin. Donc, en fait, c'était pas très discret. Et parce qu'en pleine nuit, s'il y avait une attaque de gaz sarin, on fait « Oh là là, regardez, il y a de la lumière vert fluo là-bas, les mecs arrivent. » Alors, ils volent le gaz... pour prévoir évidemment l'attaque avec Alcatraz, mais il faut aller voler le gaz dans une base militaire. La base bleue. Et alors c'est la base bleue, effectivement, ils attaquent de nuit, il y a un truc qui m'a fait hurler de rire, ils ont des espèces de flingues à harpon, mais un truc, ça a l'air de peser mais 12 kilos. Ils envoient genre un vieux câble, tu sais, franchement c'est un vieux crochet de l'autre côté, et le plan d'après, t'as un câble hyper tendu avec 12 man qui descendent le long du câble. Vous êtes confiants, quoi. Il y a un treuil de l'autre côté. C'est potentiellement, le truc s'est accroché à une vieille rambarde. Le truc reste surtendu et ils arrivent dans une salle où il y a écrit au mur gaz sarin. Ah mais ça c'est parce que Michel s'est trompé, il est allé aux toilettes dans la salle des gaz sarin la semaine dernière. Ouais. On a préféré et alors, le panneau. Hein. Cette salle évidemment doit être éclairée au néon bleu. Non mais c'est trop marrant parce que c'est écrit genre au mur. On le met où le gaz? Bah mets-le dans la salle où il y a écrit gaz sarin. C'est vrai qu'ils s'étaient trompés, ils avaient fait un départ en retraite dedans, ça avait mal tourné. Hein. Et alors là, une bille va tomber au sol. Et aïe là, c'est dramatique. Quelqu'un raconte ce qui se passe. Eh bah, ben, vas-y, Mickaël, je veux que t'aies l'air chaud. Eh bah, ben, il y a une petite perlouse de gaz qui tombe par terre. Et du coup, le gaz s'échappe, évidemment. Et tout le monde sort vraiment très, très rapidement, sauf un, visiblement, qui était, je sais pas, qui était occupé à faire je ne sais pas quoi. Du coup, qui a mis un peu plus de temps et il décide de l'enfermer. De le sacrifier, j'ai envie de dire. Et là, effectivement, il a une poussée d'acné. Ah oui, c'est violent. Est-ce qu'on peut utiliser le verbe se réliotaiser? Je pense qu'il va falloir. Mais moi, j'ai pas compris à ce moment-là, parce qu'en fait, il a pas le temps de voler du gaz. Ils font tomber une bille. Alors, les oh billes, non, des fois... Michel, on peut plus rentrer dans la salle maintenant. Tu me fais chier. Ah ben merde. Ah ben on a l'air con là, tiens nous. C'est les mecs qui ont tué 12 militaires. Ah ben on a pas bien l'air malin là. Donc là, et alors il y a un truc quand même qui est marrant, c'est que bon, il y a un mec qui meurt et tout, il y a un côté. Ouais, ça c'est vrai, c'est marrant. Ouais. Ouais. J'aime ça voir les gens mourir. Hein. Pour s'en faire rire. Je regarde des vidéos d'accidents sur YouTube. Et c'est pour ça tes posters de morgue. Et là, il y a tous les autres mecs qui ont fait l'attaque de la base qui repartent en bagnole, serein de ses limites. Ils passent la carte magnétique. À la semaine prochaine, Michel. Vous êtes fait attaquer là, tout le monde est crevé. Et d'ailleurs, personne ne remarque que ces missiles ont disparu avant qu'ils prennent Alcatraz. Quand même, une des bases militaires la mieux protégée des États-Unis. Ouais, mais la porte était fermée, donc. Tout va bien. Quelqu'un a touché au gaz ? Ben non, là, j'avais laissé la porte fermée, elle est encore fermée. J'ai une petite question. Étant donné que la bille de gaz, elle a pété dans la cabine, est-ce que quelqu'un va... Enfin, comment tu fais pour re-rentrer, du coup, dans la cabine ? Parce qu'il y a toujours le gaz. Oh, c'est foutu. Bah, il faut faire un système d'évacuation. Ils enterrent la base. Ils mettent une chape de béton dessus. Non, mais je que plus sérieusement, c'est quand même super malin de faire ça en début de film, parce qu'après, on n'a plus du tout besoin de te le remontrer. T'es vacciné, quoi. T'as vu le mec, genre, gonfler et tout ça. Pendant tout le film, tu fais « Oh là là, ça va être la misère. » Mais je pense que Michael Bay va quand même un peu insister sur le gaz sarin, puisque on va le revoir la scène d'après et on va en parler à peu c'est près une scène sur deux. On fait la rencontre de Nicolas Cage, scientifique, qui joue à Attrape-souris d'ailleurs. Je ouais, il est tranquillou. J'avais mis Attrape-souris. Il est tranquillou dans son labo et d'ailleurs il y a pas de chinois. J'ai pas compris pourquoi. En fait, il y a pas de Jeff Goldblum, mais il y a pas de chinois. C'est pas un vrai labo. Là, faut m'expliquer. Je sais pas pourquoi. Et ils reçoivent un petit colis suspect. Ils reçoivent un petit colis suspect. J'ai framboise et myrtille. Et donc là, c'est branle-bas de combat. On ne sait pas pourquoi. Il y a ce petit colis. Et donc, il rentre dans le vaisseau de la mouche. Tu sais, mais avec du plexiglas ouais. autour. Et il met une méga. Il y va avec son stagiaire d'ailleurs. Oui, c'est ça. On a affaire à quoi ? À du gaz sarin, le gaz le plus dangereux du film. Ben, je vais y aller avec toi, Michel. C'est l'occasion. T'es sûr là ? Mais c'est assez drôle d'ailleurs. C'est un poupon et ils se doutent pas qu'en actionnant le bras du poupon, enfin comme des teubés, ça va libérer un gaz. Non, mais visiblement la formation FBI c'est plus que c'était. Ouais. Par contre, je sais pas qui a été formé pour faire ce petit paquet, mais enfin en tout cas il est truffé de pièges. Il y a justement ce petit bébé là où tu bouges le bras, ça balance du truc. Plus, il y a une putain de bombe. En plus des Playboy, bon ça c'est le côté plus. Mais il y a une putain de bombe. Ça devait être le gamin dans. Il savait faire les bombes à les époques. C'est le gamin dans Maman j'ai raté l'avion qui a fait ce colis. Et donc la branle-bas de combat parce que non seulement il y a du gaz qui sort de partout, mais en plus il y a la bombe qui va péter et Nicolas Cage, qui est agent du FBI, ça on le sait, même si apparemment il a pas l'air d'être le meilleur. Eh ben, il va désamorcer la bombe, mais on ne sait pas pourquoi. C'est-à-dire, comment est-ce qu'il a appris à faire ça ? Je suis désolé. Il est pas du tout bombe diffuseur. Bah, c'est sa spécialité. Bah, si, c'est son métier. Mais non, sa spécialité, c'est les produits chimiques. C'est pas du tout. Ah, une bombe ! Ça tombe bien, j'ai fait option bombe au bac. Enfin, j'imagine que quand on te forme sur les produits biochimiques, on te fait désamorcer des bombes quand même, j'espère. Sinon, ça sert à rien. Alors, non, bon ça c'est du gaz sarin. Bon bah salut. Il est où Michel le désamorceur ? Oh bah j'ai des boutons merde. Non, ce qu'il y a c'est que lui il est présenté comme scientifique, genre je suis dans mon labo et j'analyse des matières quoi. C'est tout. Moi j'ai un mini point désamorçage de bombe. Alors le principe de désamorcer une bombe, c'est que là t'as une espèce de poupée avec du gaz intérieur et des liquides qui vont se mélanger. Alors quand ils vont se mélanger, ça va exploser hein. Comment d'ailleurs ? Et à chaque fois, il faut couper un fil, sinon tout pète. Bah, non mais mec, c'est un pauvre système électrique, tu sais déjà, toi quand tu faisais une merde en technologie, ça marchait jamais à cause des soudures. Tu vas me faire croire que leur machin, si tu coupes le mauvais fil, ça pète, bah trop pas, tu sais. Tu coupes tous les fils en même temps, il n'y a plus de signal électrique, fin des bails quoi, non ? Je suis pas sûr. Non. En tout cas, si c'est vrai, tu viens de mettre fin à peu près 30 ans de cinéma quoi. Moi je pense que le concept de désamorçage de bombe, c'est juste qu'elle va péter au moment où tu vas y aller, quoi, c'est tout. Mais il n'y a pas du tout de. Alors, fil bleu, fil rouge, pour moi ça n'a aucun sens. À moins que le mec ait fait un système d'anti-désamorçage. Là, tu dénotes une méconnaissance en détonateur, hein, j'ai envie de te le dire. Je t'invite à faire la recherche sur ton ordinateur pour bien te faire repérer. On retrouve Nicolas Cage, alors évidemment. Hein, il désamorce. Oui, il désamorce. Tout se passe bien finalement. Alors, évidemment, problème. Alors ce film est rempli de préparation paiement. Oui. Mais alors il en est vraiment rempli, c'est-à-dire que chaque scène est une préparation pour la scène d'après. Et un paiement. Alors le paiement. Ah, c'est un bon scénario. Voilà, c'est ce qu'on appelle paiement sans contact, puisque il y a la seringue qu'il faut s'enfoncer dans le cœur si jamais. La seringue d'atropine. Ouais, t'es en contact avec le gaz sarin. Bah oui, mais j'en ai une chez moi. Faut y aller. Faut péter la vitre et puis. Enfin, on en reparlera plus tard, mais faut y aller quoi. Pareil, ils sont quand même très nuls, c'est bizarre. Enfin, les mecs, c'est des spécialistes des gaz chimiques et ils ont les boules de se foutre le truc. Ils ont jamais été préparés. Bah ouais, mais en même temps, à part le faire vraiment, je sais pas comment tu te prépares à ça. Bah, tu le fais vraiment une fois. Non, mais t'as vu le mec, il tend la seringue à un mètre, genre je vais donner un coup sec. Un mec, tu vas te taper une côte. C'est méga dur de viser, tu sais. En plus, la seringue est tellement grande qu'il y a moyen qu'elle ressorte dans le dos. Tu t'injectes pas. Si t'as ton voisin qui se colle à toi, tu peux économiser une dose. Tu sautes deux manos avec une seringue. Les premières versions, c'était en glaive. Et alors, bon, ça marche. Et on retrouve Nicolas Cage en slip guitare chez lui. Oui. Alors je trouve déjà que franchement ça paye pas mal son taf parce qu'il a un appart mais un espèce de loft hallucinant. Il s'achète des vinyles des Beatles. Bah oui, à 600 dollars. À 600 dollars. Le mec il risque quand même sa vie à désamorcer des bombes. J'espère qu'il est bien payé quoi. Entre guillemets, c'est pas fait un peu niquer. Franchement, un vinyle des Beatles à 600 dollars quand même. Tu sais que le vinyle le plus cher du monde est un vinyle des Beatles, une couverture qui avait été retirée de la vente à l'époque. Il est très très très cher. Je pourrais pas dire le prix, mais c'est le vinyle le plus cher du monde. 63 euros, je vois là. Sur eBay. En réédition. On se renseignera là-dessus. Alors, il a une. Ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant pour un film, c'est que. Pour un film de merde. Non, mais sa nana, elle est totalement dingo. Elle est rigolote. Elle est à moitié d'info. Elle sert à rien. Moi, j'ai une théorie là-dessus. Elle est inutile. Non, mais je crois qu'elle n'est pas au courant qu'il travaille au FBI et je pense qu'elle pense qu'il travaille au télécom en fait. comme dans la totale. Exactement comme dans la totale parce qu'elle lui dit ouais, mais non, mais tu pars en mission, mais n'importe quoi. Attends, on avait prévu un week-end. Bah, je sais pas, quand tu sors avec un mec du FBI, qu'il a des missions. Le mec dans l'après-midi, il a désamorcé une bombe de gaz, s'il te plaît. Hein. Et là, il fait ouais, je vais partir en mission. Oh, encore. Tu peux pas poser tes RTT, la merde. Non, mais ce qu'il y a, c'est que dans la mise en scène, Nicolas Cage, on te fait passer pour le gars qui est au bureau tout le temps et qui fait 2-3 analyses machin, et qui fait rien, quoi. Et qui sait rien faire, et après on te le prouve. Il fait des super pièges à trois. Non, et on peut dire globalement, les personnages féminins dans ce film sont pas beaucoup mis en valeur. Je la trouve intéressante dans son rôle de femme enceinte pas mariée, qui va le préciser 4 fois en disant maintenant on est obligé de se marier. C'est oui, des valeurs d'il y a 100 ans en Espagne. Alors, quoi, tu sais, genre. Pour un scientifique un peu nul, j'ai trouvé Nicolas Cage pas mal pour mettre une ambiance sympa sur son balcon. Bah, il la baise. Mais elle est folle. Elle est folle, celle-là. Elle fait la chose. Tu vas arrêter à dire tes grossièretés. À l'antenne en plus. À l'antenne qu'elle dit ses saloperies. Elle fait la chose. Elle fait la chose. Ils font la chose. Et ils la font pourquoi? Tu connais le pourcentage d'enfants qui nous écoutent? Elle est dingo. Je veux plus t'entendre à dire ça. Hein. Allez, enlève ton casque maintenant. Elle est folle. Allez, coupe son micro. Non, alors, tu sais pourquoi ils font la chose? C'est parce que Nicolas Cage a su installer une petite ambiance à base de 2500 bougies et des lampions. Mais je sais pas comment il a fait. Alors déjà, parce qu'en extérieur, pour que ça reste allumé, mais c'est l'enfer. Ouais. Mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait une bonne alchimie entre les deux. Ouais. Ah oui, on peut parler d'alchimie. Ça a l'air intense. Dans le sens où ils font la chose, effectivement. Il n'a pas l'air enchanté quand il va apprendre qu'il est papa. Bon, il fait quand même la chose après. Non, parce mais j'ai trouvé ça hardcore. Envies, quoi. T'es enceinte? Ah bah. Quoi, t'es enceinte? Bah viens, on fait la chose plutôt. J'ai mis des bougies. Vas-y, on va sur le balcon, je vais allumer les bougies. On va faire la chose. Et après, elle fait veux-tu m'épouser? T'as déjà dit ça à quelqu'un, Greg? Non, ça te dirait de faire la chose? Et on a 5 minutes avant que les potes, elles arrivent. Non, mais Et à un moment, elle lui dit machin, et après ça, elle fait veux-tu m'épouser? Donc c'est elle qui le propose en mariage. Bah oui. Là, il reste sans voix, elle fait « Attends, je viens quand même te demander en mariage. » Et lui, il fait « Wow, wow, wow, brigade du mariage, calmez-vous. » N'hésitez pas à sortir cette réplique si un jour on vous demande en mariage. Hein. Ça marche très bien. C'est ce qu'on appelle la classe 2000. Et alors, pendant ce temps, lui, Ed Harris, il fait pas la chose, il chôme pas, j'aime autant vous dire, puisqu'il prend en otage une ancienne prison des États-Unis. Alors, ça va les filles, vous vous amusez bien. Vous voulez me rendre un petit service, c'est vraiment, vraiment important. Dites à votre institutrice que vous devez repartir sur le bateau. Allez-y tout de suite. Mesdames et messieurs, bienvenue à Broadway! Ce quartier de haute sécurité a abrité la plus épouvantable racaille de toute l'Amérique! Chers visiteurs, moi, Bob le Ranger, je vous invite cordialement à devenir prisonnier d'Alcatraz. Temporairement, je vous rassure. Un pied sur la ligne! C'est marrant, c'est pas de la lionne, hein? Comme un oiseau en cage, pas vrai? Passez 2 ou 3 ans ici et... Eh les gars, vous êtes en retard pour la visite? La visite est terminée, bon. C'est quoi cette visite de merde? Il débloque! Effectivement, ça va être la visite la plus chiante du monde puisque tu vas être pris en otage. Alors, non, mais ça, c'est plutôt chiant pour une visite. Hein. C'est un peu nul. C'est vrai, mais si t'as prévu un truc le soir, cette musique, c'est franchement, j'avoue, c'est parce que je l'ai entendue des milliards de fois, mais je jure que cette musique me file un truc à chaque fois. Quoi. Je faisais les extrêmes, je la trouve. Me file un truc. Non, mais ça donne des frissons, moi aussi, ça me fait ça. Moi, j'ai dû uriner dessus. Et juste, je sais pas si merde, c'est un peu tout neuf. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ils prennent les mecs en otage et ensuite, tout le monde, les autres, ils débarquent tous en hélico et pareil, personne ne remarque rien, quoi. il y a des hélicos qui débarquent au-dessus d'Alcatraz. Ah, tu veux dire ceux qui sont à San Francisco? Ah ouais. Non, genre, c'est normal, quoi. Pourtant, le système de sécurité en hélico d'Alcatraz était sur on. Donc là, bah, petit contact Pentagone, genre bah, salut, c'est moi qui là, je suis un Marines, j'ai des valeurs, je te revendique ça. Sinon, je balance les boules phosphorescentes sur San Francisco, quoi. Normal, quoi. J'ai pensé à toi, Greg, parce que tu avais fait une remarque. Aussi, moi aussi. Ouais. Tu penses à toi? Je pense à moi quand je prends, avant de prendre une douche devant la glace. Il fait un speech, le Ed Harris, là, à tous ses militaires. Comme dans Pirates des Caraïbes, tu sais, où il faisait genre « Nous sommes atteints d'une légende !» Ouais, bah mec, bah vous le savez très bien. Et là, il fait pareil, il dit « Vos familles sont... Enfin, vos frères d'armes sont morts au combat !» Ouais, bah mec, on le sait, attends pas le jour J où on est méga pressé, faut installer des missiles pour faire un speech, quoi, tu vois. Ils le savent déjà, tu sais. J'ai l'impression qu'il y a la moitié des gars qui font « Mais ouais, c'est trop, il a trop raison !» Oh putain, j'ai bien fait de venir, hein. Ah putain, on défend une cause. Bah, tu vois, j'hésitais, bah il a raison. Vous avez remarqué que dans les preneurs d'otages, il y a Candyman. Oui, Candyman. Il y a Candyman qui est toujours méchant d'ailleurs. Ouais. Il y a le médecin dans Scrubs. Mm. Ah, c'est le Dr. Cox, ouais. Le Dr. Cox. Mm. Et c'est tout, je crois. Enfin, il y en a d'autres. Oui, oui, bon, c'est à peu près. On aura d'autres petits guests après, plus tard. Il y en a qui est vachement moche, hein. Celui qui reste à la fin là, celui-là qui reste. On est là, celui-là qui reste. Quand les oreilles sur le côté, là, oh là là là, il est vilain. Et alors, il fait une demande de rançon au Pentagone. Alors, j'ai trouvé que c'était un peu le plus produit de Ed Harris, qui le fait en FaceTime. C'est-à-dire que. Ah oui. En FaceTime, écran cathodique. Écran cathodique. Ouais. Alors, déjà, le truc, tu sens que t'es dans un film parce que ça marche en fait, du premier coup. Dans la version originale, il le faisait par MSN, mais c'était plus. Toulut, avec des smileys, tu sais, genre. Et il y a un truc qui a hurlé de rire dans cette scène, c'est-à-dire qu'il dit voilà, j'ai du gaz sarin, je vais tout faire péter, virer de l'argent sur mon compte, blablabla. Il raccroche, et là ensuite, t'as les mecs du Pentagone qui débriefent. Ça, c'est très bien, ça a aussi un très bon effet de mise en scène. Il y a un des mecs qui fait le gaz sarin, mais c'est quoi le gaz sarin? Tu sais, là. Et là, il y a un mec qui lui fait une réponse, mais super agressive. Ce gaz peut tuer tout le monde. Bah, mec, ça va, je sais mes potes. Je connais pas tous les secrets d'État. Moi, ce qui m'a fait marrer, c'est qu'il y a un spécialiste, ils lui disent s'il balance le gaz sarin sur San Francisco, ça tue combien de personnes? Et lui, 70. Oh, ça va. 1000. 70 000. Non, mais j'avoue, il faut un peu l'échelle, le stade de foot du gaz sarin. Un gaz sarin, c'est combien de stades de foot de personnes tuées, quoi. Non, mais c'est vrai que la mise en scène entre le gars qui parle tout seul devant la tombe, le gars qui te fait l'explication de... Enfin, tu vois, t'as l'impression qu'on te prend un peu pour un con quand même. Genre, on va tout expliquer, tout est mis en scène pour qu'on te l'explique. Quoi. Ouais, c'est alors, bon, par les gars, contre, quoi. Juste un petit point à Ed Harris, parce qu'en fait, c'est un officier, c'est un Marines qui a fait 137 guerres. Hein, donc, il a fait la guerre de il a fait une guerre de Chine, mais... la guerre du Vietnam. Il a fait la guerre de sécession aussi. Mais tu sais qu'il s'appelait Ed Harris. Il a servi aux côtés du général Maximus. Bah, ils sont en galère du coup et il faut rentrer de la tête. Parce que alors on comment peut pas. Quelles sont leurs revendications à part le 13e mois? Quelles sont leurs revendications du coup? Bah, les retraites. La mutuelle, la mutuelle complémentaire. Non mais c'est ça. En gros c'est des retraites pour les anciens militaires. Alors les frais dentaires à 70%. Sinon on fait les tout péter. Les frais d'optique à 60% si possible. Les tickets resto. On veut des chèques vacances. Alors, et alors c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'ils sont sur Alcatraz et alors Alcatraz c'est une prison. Tu peux pas t'échapper parce que c'est trop compliqué. Alors je vais vous expliquer pourquoi tu vas t'échapper. Parce que c'est une île, c'est tout. C'est pas genre c'est compliqué, il y a un labyrinthe. Hein. Oh bah mais si, un petit peu. Comme ils sont dedans, tu peux pas re-rentrer. Parce que c'est Alcatraz et c'est trop compliqué. Donc il faut prendre le seul mec qui s'est déjà échappé d'Alcatraz. J'ai nommé... Mason. Sean Connery. Sean Connery. Alors qui est quand même extrêmement classe. Qui est très classe. Bah oui, et toujours. Il faut savoir, en fait, le personnage de Sean Connery serait apparemment, dans l'idée, un prolongement d'un James Bond possible. En gros, oui. Ça serait un James Bond qui aurait été capturé. Le James Bond. James Bond un peu foireux, quoi. Mais même... Non, bah non. Enfin, en plus ça colle pas trop avec le personnage, parce que... Mais en tout cas, c'est clairement impliqué à mort, quoi. Il disait, ouais, du MI6, du machin, mais bon. Et il faut savoir que Sean Connery a demandé à ce qu'on lui construise une loge sur Alcatraz. Donc en fait, pendant tout le... il avait pas envie de faire les allers-retours le soir. Et en fait, il a logé sur Alcatraz pendant tout le tournage. Voilà, classe. C'est classe. Putain, mais ce mec, classe, le mec, c'est... Bon, en même temps, t'as la meilleure vue de San Francisco, t'es peinard, t'as pas tous les connards qui se font chier, je suis désolé, mais bon, vaut mieux. C'est vraiment la classe de ouf, quoi. Ils ont dû... En plus, ils ont dû construire un truc de dingo, quoi. Ça m'étonnerait qu'il ait dormi dans une cellule. Faut savoir que Joaquin Phoenix a dormi dans le Colisée aussi, sur Gladiator. Bon, en tout cas, moi, ce qui me fait marrer, c'est que. Donc, Thierry Lhermitte a dormi à Barbès. Ils vont aller chercher le Sean Connery en prison. Et pour bien illustrer que c'est un mec un peu dur, quoi. Alors il sort de sa cage, il a les cheveux très très longs et il sort tel une bête, quoi. C'est genre t'as les lumières qui flashent sur sa tronche et lui avec les cheveux très longs, on dirait vraiment. Ouais, mais ça fait 30 ans qu'il y est quand même dans sa cellule. Ouais, enfin bon, ils peuvent lui couper les cheveux quand même, quoi. Bah lui, ça fait 30 ans qu'il se pisse dessus dans sa petite geôle, quand même. Mais il y a gros effet de mise en scène, zoom sur les clés, genre on voit vraiment que c'est un mec. Il est vraiment. Et il faut savoir que ce rôle, il avait été proposé à un autre acteur qui aurait donné un ton complètement différent au film. C'est Arnold Schwarzenegger, qui n'a pas pris le rôle et qui a regretté. Mais ça aurait fait quelque chose de complètement différent. Mais à la base, ça lui a été proposé. Non, mais alors, je suis vraiment... Parce que je pense que l'éclat de ce film réside dans Ed Harris et Sean Connery, quoi. Oui, c'est sûr. Et alors, on envoie Nicolas Cage pour l'interrogatoire. Ça, c'est vraiment une espèce de vieux truc, aucune raison. Et il va faire tomber une pièce au sol. Nicolas ou un interrogatoire, une pièce qui tombe sur le sol. Et alors Mason, le roi de l'évasion, il va mettre un coup de chaise dedans qui va la rendre pointue. Et ensuite, il va tailler le verre. Alors un verre qui a l'air quand même assez solide. Puis il va mettre un coup dedans, mais qui prend même pas la forme de l'entaille qu'il a faite. Et il fait péter toute la vitre. Et il a une revendication, c'est qu'il veut aller à l'hôtel. Au palace. Donc là, il y a un petit coup de Pretty Woman, c'est-à-dire que il manquait la musique, c'est-à-dire vas-y, coupez-moi les cheveux, faites-moi une manucure, je veux de la bouffe, je veux être dans l'hôtel, je veux être dans le machin. Non, et puis il y a le personnage assez fouillé aussi, du coup, le personnage du coiffeur est assez fouillé. Ah oui, alors si on devait mettre, franchement, si on devait lui mettre une note de virilité de 0 à 10, combien on mettrait en virilité? Je me rappelle plus de sa tronche, mais. Mais c'est le coiffeur gay, là, l'espèce de truc super exagéré, méga maniéré. Moi, je m'en fiche de vous tuer des gens, je veux juste savoir si votre coupe plaît. Bah, voilà. Si les coiffeurs gars, sa virilité est soit 0, soit 10. Et alors là, il va faire le coup de la ficelle pour s'échapper. Je trouve que c'est un peu compliqué. Alors moi, je trouve ça très très classe, comme très ingénieux, très il malin. Il balance le chef du FBI. Avec qui l'aime pas trop d'ailleurs. Non, avec qui il n'avait pas des très bons rapports. Et du coup, il est suspendu par un fil sur le balcon. Il va profiter de ça pour s'échapper. Ouais, c'est très malin. Alors, quand on s'échappe d'un hôtel, d'un palace. Le mieux souvent, c'est de passer par les cuisines. Hein. C'est-à-dire que dans tous les films d'hôtel, mais vraiment, trouvez-moi un film où il y a un mec qui s'échappe d'un hôtel et qui passe pas par les cuisines en poussant. Alors, tous les cuisiniers sont toujours d'une nationalité différente que l'hôtel. Tu sais, c'est toujours des cuisiniers asiatiques parce qu'on est genre c'est de la cuisine chinoise, je sais pas. Et ils renversent intégralement tout dans la cuisine. Je trouve que c'est dangereux. Ce qui est marrant, c'est qu'on essaie de prouver que Sean Connery est le roi de l'évasion parce qu'il a, enfin, le mec, il a réussi à se mettre dans Alcatraz. Il était passé par les cuisines dans un hôtel, quoi. Tu vois, donc c'est pas non plus un exploit de sortir de l'hôtel. Enfin, c'est quand même malin son petit stratagème avec la ficelle de la douche, etc. Ouais. Ouais. Non, c'est très l'évasion. Si. Et puis quand même, il s'évade au nez de 40 mecs du FBI, quoi. Encore une fois, au nez et à la barbe. Tout à fait. Alors là, on a le droit à une course-poursuite Hummer versus Ferrari. Et c'est exactement ce que j'ai marqué. Il ouais, y a un moment où... Alors la Ferrari, elle est solide. Hein, parce que je peux te dire que... Bah, c'est ce que j'allais dire. Une bagnole comme ça... C'est surtout qu'il la conduit bien, parce que c'est hyper étroit, San Francisco comme ville, et puis ça monte, ça descend. Enfin, à mon avis, ta Ferrari, au troisième virage, elle est... Non, mais une Ferrari, à la première pente, t'as tout le bas de caisse qui frotte. Ça, on est d'accord, mais surtout une Ferrari... À la première paroi qu'elle traverse, elle a quand même un petit pet. Là, pour le coup, pas du tout. En plus, elle est en jaune flashy. Tu sais, le truc où tu verrais la moindre marque. La Ferrari est nickel. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'à un moment donné, dans la course-poursuite, ils prennent la décision, tous les deux, mais l'un après l'autre, parce qu'ils sont pas tout à fait au même niveau, de passer par un escalator à contresens. Ouais. C'est rien qui te ralentit plus en fait. À part ramper au lieu de courir, tu vois, il y a rien qui te ralentit plus qu'un escalator à contresens. Ils allaient faire une course poursuite en fauteuil roulant à un moment donné, je me suis dit. Moi, j'aime beaucoup cette scène parce que justement la bagnole n'a rien. Quand il traverse le mur, on sait pas d'où il sort, il traverse littéralement un mur et il arrive. Et il arrive en descente parce qu'il y a rien derrière. Et là après, la bagnole n'a rien. Là, il y a festival d'obstacles, c'est-à-dire que il y a le tramway, il y a la vieille, il y a un camion, il y a l'handicapé, il y a le rodateur. Il y a des parcs, il y a 5 ou 6 parcs. Il y a un camion qui transporte des bonbonnes d'eau. Non, mais là, t'es vraiment dans un film de Michael Bay, quoi. Il y a tous les trucs possibles à casser. Limite, il y a des cercles de feu avec des tigres. Et il fout un bordel monstre dans San Francisco. À noter, autant il fait tout exploser, autant il le fait bien, quoi. Enfin, pour le coup, non, mais surtout, moi j'y crois. Est-ce que vous avez fait un arrêt sur image sur la vieille? Non. Ça fait rien aussi, parce que vous avez pas fait ça? Non. Bon, j'adore les vieilles. Moi, les personnes âgées, ça fait... Et en fait, c'est une jeune, on dirait vraiment une jeune qui interprète, enfin, qui est déguisée comme une vieille. Qui est déguisée en vieille. À ma vie, c'est une cascadeuse, hein. Je veux pas te cacher tes. Parce que pour se prendre une Ferrari de point à fois, je pense pas qu'ils aient quelqu'un de 75 ans avec des problèmes de dos. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on est à peu près. Michael, il y a un figurant qui est mort là. On est à peu près à 50 minutes de course-poursuite. Et moi, ce qui s'est passé chez moi, je me suis dit, mais attends, mais en fait, là, il y a des mecs qui sont sur Alcatraz. Ça fait 50 minutes qu'on suit la course-poursuite entre Nicolas Cage. Et qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que tu vois, t'as complètement oublié dans quel film t'étais. Tu t'es tapé 50 minutes de course-poursuite et voilà, t'as complètement oublié les autres. Non, mais c'est surtout que je pense que l'événement sur Alcatraz, il est presque moins important que cette course-poursuite qui a dû faire à peu près 60 morts. Non, mais sans déconner, là on est à 50 minutes de film hein, et il y a 20 minutes de poursuite quoi. Ouais, alors que le mec, après, à la fin, il arrive et fait ouais, bah c'est bon, je viens t'aider, c'est bon, c'est cool. Quoi. Non, bah c'est surtout ouais, la fin de la course-poursuite. C'était de Sean Connery qui retrouve sa fille dont il avait l'adresse, le numéro de téléphone depuis 40 ans en cellule et il la retrouve. Et il... Enfin, ouais, c'est génial, c'est d'ailleurs, tout à fait logique. Mais non, il la retrouve parce qu'il appelle de la voiture. Il appelle le 118-712. Bah ouais, mais chez elle, il lui donne rendez-vous. Comment il avait son numéro? Il avait le numéro des renseignements. Non, non. Il dit bonjour, je voudrais parler à Machine Junior. J'ai raté ce moment. Ah, oui, non, il demande au renseignement de le mettre en relation. Et en gros, elle, elle est contente parce qu'elle se rend compte que son père, c'est Sean Connery. Et wow. D'ailleurs, vous l'avez déjà vu. Est-ce que vous vous souvenez où vous l'avez ah, vu? Ah oui, oui, c'est ça. Oui, on l'a vu dans King Rising. Mais ah oui, c'est ça. Putain, c'est pour ça qu'elle me disait quelque chose dans King Rising. Elle est magnifique, cette fille. Elle est vraiment très, très belle. Alors, le film avance. J'ai cru que j'allais voir Indiana Jones, moi, à ce moment-là. Elle a aussi un très beau rôle. Le film avance et c'est Nicolas Cage qui est en charge. Juste une petite chose sur sa fille, c'est très marrant parce qu'il arrive. Sa fille est avec une blonde et il la confond, en fait. Ouais. Fait, c'est toi. Mais je sais pas, il l'a peut-être vue qu'une fois, mais il se souvient peut-être qu'elle est brune et pas blonde, non? Il l'a peut-être jamais vue. Il l'a vu quand elle était toute. Alors, nous sommes 15h, tout deadline. On annonce la mission. La mission, c'est. 8 militaires, Nicolas Cage qui n'y connaît rien, Sean Connery, et en plus on met la pression, genre machin, mais vous allez y aller, tu sais, genre limite ils se font engueuler, bah mec, c'est super dur comme mission. Attends. Alors, ce qui est dingue, c'est que là, depuis l'arrestation, c'est Cage qui est limite en charge de l'affaire, alors que le mec il n'y connaît rien, et pour le coup, c'est vrai, quand il monte dans l'hélico, c'est pression maximale. Ah oui, c'est-à-dire oui. Je me demande s'ils n'ont pas foutu la musique de Koh-Lanta derrière. Il le jette dans l'avion et tout, dans l'hélico, il fait bah maintenant tu vas sauter. Le mec il a jamais sauté, il lui gueule dessus, et puis après, il va sauter directement faire de la plongée pour arriver directement faire de la plongée. Bon, là c'est le truc classique, c'est-à-dire que c'est pas possible parce que sinon les tympans explosent. Et lui, c'est-à-dire que niveau pression, sauter d'un hélicoptère pour aller en plongée, je veux dire, comment t'es pas essoufflé, comment t'es pas mort quoi. Oreille interne. Et alors, moi j'ai quand même une petite question technique, toutes leurs armes elles sont waterproof en fait. c'est génial. Alors, plan ingénieux parce que arriver par les eaux, ça permet effectivement de débarquer sur Alcatraz par le fameux puits d'Alcatraz. Oui. Le talon d'Achille. Le fameux puits d'eau de mer d'Alcatraz qui va donner sur la salle de la porte d'Alcatraz. Et alors là, je vais faire un point, je suis désolé. En fait, en gros, ils arrivent dans une petite salle. Et alors, le reste d'Alcatraz est derrière une porte métallique qui a l'air ridicule. Ouais. Ouais. Parce qu'elle s'ouvre avec une poignée de l'autre côté. Et là, ils font nous sommes bloqués. Ce qui justifie entièrement la présence de Sean Connery. Parce que en bas, il y a une espèce de. The Prince of Persia. Il y a un truc avec genre des feux, ouais. Des roues rotatives de flammes et tout. Mais alors déjà, pourquoi ça marche encore ce truc? Tu sais qu'alimente en fuel ce match. Et surtout, ça sert à quoi? Et pourquoi ça fait des flammes genre toutes les 30 secondes avec des trucs qui roulent, qui machin? Et Sean Connery s'en souvient par cœur. Il se souvient du rythme. Mais sauf qu'il s'en souvient dans l'autre sens, puisque c'est servi dans l'autre sens il y a 30 ans. Le rythme est le même. Ouais, mais bon, il y va dans l'autre sens. Mais cette porte, c'est bien une porte de genre du truc de service, quoi. Enfin, de la salle des machines, en gros. Enfin, non, mais c'est pas la porte principale. Le feu, c'est souvent après le puits d'eau de mer. C'est classique. Hein. Derrière le fameux puits d'Alcatraz, il y a le fameux passage de chaudière d'Alcatraz avec les trucs. Bah, c'est écrit dans les légendes. Hein, ouais. De toute façon. Mais d'ailleurs, j'ai revu du coup les vadés d'Alcatraz et il fait exactement pareil pour partir. Hein. Et dans l'équipe, d'ailleurs, il y a leur chef qui est le commandant Anderson, qui est joué par Michael Biehn. Vous savez dans quoi vous l'avez vu ou ça vous dit rien du tout? Moi, j'ai sûrement pas vu, mais dis-moi. Il joue dans Terminator. Il joue dans Aliens, il est trop bien cet acteur. Ah oui. Enfin, voilà. Et c'est un petit clin d'œil. Et alors, je reviens juste un petit détail. Vous avez remarqué qu'en fait tous les soldats sont maquillés, sauf Sean Connery et Nicolas Cage. Ils n'avaient plus de maquillage, tu sais. Déjà, ils se tapent la mission la plus dure. Eux, ils sont pas préparés. Genre, désolé chef, il y a pas de maquillage pour les nuls. Tiens, vous avez un cutter pour vous défendre. Et là, il y a cette scène, il y a cette réplique que j'adore, puisque Sean Connery passe par le tunnel de flammes et tout, et ouvre la porte et s'adresse au soldat et dit, qu'est-ce qu'il dit en français? Ah, j'allais dire en anglais, j'allais dire Welcome to Alcatraz. Welcome to the Rock. Ouais, Welcome to the Rock. Le gars, c'est, il se la surpète, c'est-à-dire que. il a passé 40 ans dans Alcatraz, mais il était en tôle. C'est-à-dire que le moment où il est passé là, à mon avis, il a fait fissa. Genre, il est pas genre, c'est moi le roi, vas-y, c'est bon, bienvenue à la maison, quoi, ouais. Tu vois. C'est... Et surtout, alors, petite anecdote personnelle, mais j'ai vu ce film en Espagne et je connaissais cette réplique par cœur parce que je l'attendais énormément, parce qu'elle est très très classe, ouais. en VO, parce qu'il a sa voix, genre, Welcome to the Rock. Et en espagnol, j'attendais la phrase. Et là, il ouvre la porte et j'entends « Bienvenido a la roca ». Avec une voix, mais genre super, super. Et du coup, en français, souffle. Il dit quoi? Il dit « Bienvenue sur le rocher ». Non, il dit « Bienvenue à Alcatraz », je crois, en français. Ouais. Ouais, il dit Alcatraz. Ah, par contre, je suis sûr qu'en québécois, il doit dire « Le rocher », quoi. « Bienvenue sur le rocher, l'eau ». Oh, attends, le grec. Et alors là, évidemment, après le puits d'eau de mer, la chaudière enflammée, on arrive dans les douches, hein, puisque c'est connecté, ballon d'eau chaude, eau, douche. Et les méchants, les méchants ont placé le détecteur de mouvement pile au bon endroit quand même. Il y a un seul détecteur de mouvement sur toute l'île. Ils l'ont bien senti. Ils sont malins détecteur. Quand même. Hein. Où est-ce qu'on le met? On en a qu'un. Vas-y, on le met là. Après le puits d'eau de mer. Tu penses que la chaudière de feu, ça va pas les arrêter? Non, franchement, je préfère mettre comme détecteur. Tu sais, ils pouvaient pas le mettre derrière la porte, par exemple. Et là, malheureusement, ils vont se faire griller à cause de ce petit détecteur. Je ne répéterai pas ma sommation. Faites preuve d'intelligence. Ne sacrifions pas des vies pour rien. Vous tous, les hommes du général, vous avez prêté le serment des Marines des États-Unis. Est-ce que vous l'avez oublié? On a tous des copains qui y sont restés. Il y en a qui se sont fait pisser dessus par le Pentagone. Mais ça ne vous donne pas le droit de vous mutiner. Appelez ça comme vous voulez. Vous, vous êtes en bas, mes hommes à moi sont en haut. C'est vous qui vous êtes fait encercler en entrant ici. Restez à vos postes. Bordel de Dieu, commandant, pour la dernière fois, dites à vos hommes de se rendre et de déposer leurs armes à terre. Je ne donnerai pas cet ordre. C'est moi qui vous ai donné un ordre. Je ne donnerai pas cet ordre. Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes malade. Restez à vos postes. Tenez vos positions. On va les éclater, c'est sûr. La dernière fois, donnez l'ordre à vos hommes de déposer. Je pleure. C'est magnifique. J'ai encore uriné dessus. Hein. C'est non, c'est pas vrai. J'avais encore changé de pute. Mais vous avez remarqué que dans toutes les scènes où il y a un peu en mode pression avec des gens qui sont armés, il y a toujours un mec hyper maladroit qui fait tomber quelque chose. Il faut le virer, hein, Régis, là. Parce que... C'est fou la merde à chaque fois. Ah merde, j'ai pas mis la sécurité. Bah et alors là, j'avoue que cette scène est cool. Ils vont tous se faire tuer. Intégralement, ça tombe bien, du coup il reste plus que Nicolas Cage et Sean Connery et la police là visiblement. Et là il y a un truc où Sean Connery il fait bon bah c'est bon, ça m'a saoulé, moi je me casse, bah, déjà tu vas rentrer à la nage, je sais pas comment tu vas faire. Et Sean Connery il lui reste l'oreillette et il est en contact avec le FBI et il se fait engueuler genre bah vous allez le retrouver, vous allez finir la mission. Bah putain c'est déjà pas assez dur là, ils viennent de se faire tuer les autres là. Bah, du coup, ils se retrouvent quand même. Hein, et puis, ils partent en mission. Alors, c'est vraiment cool parce qu'ils font OK, maintenant, on n'est plus que deux. On va partir en mission infiltration pour désamorcer les bombes. Ils arrivent, il y a un mec. Il commence à se tirer dessus direct. Genre, mais c'est super pas discret. Il y a grosse baston dans la morgue. Il y a méga bruit et personne n'entend rien. Quoi. Alors qu'avant, il y avait un mini détecteur. OK, tout le monde y va. Et j'ai entendu un mini bruit de détecteur. C'est bah, mec, là, ça vient de tirer dans tous les sens. Sachant qu'on l'a pas dit, mais là, la mission, c'est d'aller enlever les cartes. Mer ou je sais pas quoi, des missiles pour pas qu'ils puissent être lancés sur San Francisco. Ouais, bah enfin, le gaz il peut quand même tomber de partout et tuer tout le monde, quoi. Ouais, mais sur Alcatraz. Mais ouais, c'est embêtant que s'il tombe sur San Francisco. Et alors, on commence. Alors, faut enlever le système de guidage, tu vois, genre. Ouais, c'est ça. Putain, et, oui, parce que si et comment ça se fait qu'il faut un. Comment ça se fait qu'il faille un biologiste pour enlever un système de guidage d'une fusée? Parce que le mec il est multicasquette là quand même. C'est désamorcé. Surtout qu'il connaît les fusées. Tu peux former n'importe qui. Là... Genre, bah voilà, tu vas, tu trouves le truc et puis tu retires le chip. C'est clair que c'est pas très compliqué. Non, parce qu'il faut enlever le gaz et là faut pas trembler. Là faut s'y connaître en glace pour toucher les billes. Quoi. Mais d'ailleurs, surtout, il faut savoir s'injecter cette putain de seringue de merde si ça se casse. Il faut noter quand même que là, au niveau des teams, c'est pas super faire parce qu'on a. 100 mercenaires versus un taulard qui a pas fait d'exercice depuis 50 ans et le plus nul du FBI. Et on se demande comment ils vont y arriver. Alors, coup de génie, parce que ils vont se faire repérer Et pour s'enfuir, ils vont aller dans le fameux train de la mine d'Alcatraz. Bah oui, mais c'est les Goonies. Non, mais je voyais ça, je vais. Mais attends, mais ça sort d'où ce truc? C'est Indiana Jones, c'est le temple du péril. Non, non, mais oui, complètement. Après, il y a la course dans les charrioles suspendues, sauf qu'ils ont tous des M4 qui avaient pas dans le. Non, mais c'est ça. Ça m'a fait penser à un monde de Donkey Kong aussi, Donkey Kong Country, où t'es dans les trucs. Non, mais je crois que Michael Bay, il fait, oh, j'aimerais trop qu'on ait des charrioles. Mais genre, on a qu'à dire qu'il y avait une mine sur l'île d'Alcatraz qui fait 1 km². Bravo les enfants, vous avez trouvé mon trésor. Il y a un pirate et tout en bas. Non, et d'ailleurs, les Marines, ils sont pas très doués parce qu'ils sont franchement à 1 mètre de Nicolas Cage là, qui est dans son petit wagonnet, ils arrivent pas à le buter quoi. Mais ouais. Quand même pas terrible. Bah ils sont pas, ils sont pas fous. Ouais. C'est vrai que moi, ça va loin. La fusillade dans la Grande Roue, j'ai trouvé ça un peu trop aussi. Ah, dans le train fantôme, j'ai eu peur. Mais moi, je me suis fait la réflexion. En fait, ce film ferait une super attraction dans d'amour. Un parc d'attractions. Ah ouais, enfin, vraiment, enfin, il y a tout. Il y a le truc des chariots, il y a le truc de, ouais. De l'eau, de machin. Ah, puis quand ils se baladent vraiment, avec les parbes à papa et les pommes d'amour, c'est fou. Non, mais vraiment, moi je. Alors là, ils vont récupérer une micropuce, ils vont l'éclater. Ouais, bien joué. Et là, il a une bonne idée, Ed Harris. Il prend un mec en otage. Il utilise le fameux système de sonore hein, d'Alcatraz. Pour... Ça marche toujours bien. Il marche toujours bien, d'ailleurs. C'est cool, il a été ciré. Et il dit, voilà, si vous ne m'avez pas les micropuces, eh ben, je vais tuer l'otage. Et là, virilité totale de la part de Sean Connery. On sent, ça, c'est vraiment le comportement d'un mec qui dort sur Alcatraz. On sent du deviner le coup de la loge. Puisqu'il y va tout seul en fait, hein. Il y va sans la puce et il y va tout seul. Et il dit je suis le dernier. Il dit, est-ce qu'il dit moi je trouve que vous êtes un vrai connard? Il va le dominer. Ils ont pris la peine de vous dire qui je suis et pourquoi je fais ça, ou est-ce qu'ils vous manipulent comme tous les autres? Je sais que vous avez fait parler de vous au Vietnam, vous étiez à la une des journaux télévisés. Alors vous ne pouvez pas savoir l'effet que ça fait de mener à la bataille les meilleurs hommes que la Terre ait portés et de voir leur mémoire bafouée par un gouvernement. Je ne vois pas bien en quoi vous défendez la mémoire de ceux qui sont tombés. En organisant un massacre. Et cela n'a rien d'un combat. C'est l'acte d'un fou allié, mon général. Moi, je trouve que vous êtes un vrai connard. L'arbre de la liberté a fort souvent besoin d'être nourri avec le sang des patriotes et des tyrans. Thomas Jefferson. Le patriotisme est la vertu des brutes, si l'on en croit Oscar Wilde. Merci de m'avoir donné raison. Où sont les cartes à puce? Voilà, donc grosse domination. Ouais. Donc pendant ce temps-là, Nicolas Cage... Domination intellectuelle, hein, un peu, hein, aussi. Ouais, en plus, le mec est érudit. Ouais, ils font des citations. Bah ouais. Combat de citations. Citation fight. Virilité... Tête et les jambes. Virilité par la citation. Et alors là, il y a une scène qui est trop marrante, c'est-à-dire que les mecs sont recherchés, enfin, tu vois. Nicolas Cage, il désamorce un des missiles. Et il y a des mecs qui arrivent pendus par les pieds, par le haut, en mode discrétion. Bah, ça sert à quoi d'être discret, c'est vous, quelqu'un. C'est genre, ils sont en infiltration de mecs de la base. Bah, c'est complètement con, ils tirent dessus, quoi. Et donc là, ils vont se faire capturer, ils vont se retrouver en cellule. Nous sommes à 52 minutes to deadline. Et là, ils vont s'évader de la cellule en utilisant les draps. Bah oui. Bah, c'est Sean Connery. Bah, tu veux qu'il fasse comment? Bah, Sean Connery, il fait comme à l'époque. J'ai déjà échappé une fois, il refait pareil. Parce que c'est bien qu'ils aient laissé les draps. C'est quand même très pratique. Oui. Moi, j'ai cru qu'il allait creuser un tunnel à la petite cuillère et qu'il allait déverser le sable avec son pantalon sur le terrain de baseball. Ce qui aurait pris un peu plus de temps, effectivement. Et alors, grande question, c'est pourquoi est-ce qu'ils veulent les choper vivants et qu'ils les foutent dans une cage? Parce que il n'y a aucune raison de les choper quoi. Vivants, quoi. Tu vois, genre, non, heureusement, le chef te veut vivant. Bah, pourquoi? Il veut chatter avec toi, il veut faire quoi? Non, le chef, non, mais... il a fait. Je crois que c'est Sean Connery, on va peut-être le gars. On remarquera quand même que Ed Harris est pas trop pour la violence. Ouais. Quand ils se tirent tous dessus sans faire exprès, ils font ah, t'es tiré. Il a pas trop envie. Ed Harris, c'est quand même ça déconne, quoi. Full valeur méchant, comme on dit. Mmh, tout à fait. Excellent doublage d'ailleurs de Ed Harris pour le coup. Non, mais je vous ai dit, le doublage est vraiment excellent. Si, Sean Connery. Si, moi j'aime bien le doublage de Ed Harris. Le missile va foirer. Puisque Ed Harris va lui-même le faire foirer, parce qu'en fait, il voulait pas tuer les gens, finalement. Ouais, là, c'est un recoup de valeur. C'est-à-dire qu'en fait, on pensait qu'il avait des valeurs parce qu'il voulait sauver les gens. Bon, ça, c'était vrai, mais qu'il était quand même méchant. Et en fait, non. Il a quand même des valeurs parce qu'il va pas balancer de l'arme chimique sur San Francisco, il va la dévier. On se rend compte quand même que son but, dès le début, il a bluffé, mais il comptait tuer personne. Ouais. Or, il s'est apparemment entouré de mecs qui ne sont pas vraiment des vrais Marines. Et d'ailleurs, ils disent qu'on est des mercenaires maintenant. La question, c'est pourquoi ils ont pris le risque d'aller voler le vrai gaz pour pas tuer de gens, finalement. Pour être crédible. Pour être crédible quand même. Pour la street cred. Donc là, effectivement, il va y avoir une mutinerie, il va y avoir une baston, Ed Harris va mourir. C'est très triste d'ailleurs, il va se repentir dans ses dernières secondes. Il dévoile où est le dernier missile. Ouais. Et tout le monde meurt en même temps là aussi, c'est toujours très très pratique. Ouais. Du coup, il ne reste plus que Sean Connery et Nicolas Cage contre les deux méchants. Et, il y en a un qui est vilain. Oh, qu'est-ce qu'il est vilain. Oh, tu parles de celui avec les oreilles. Oh là là, là, j'en fais des frissons. D'ailleurs, en parlant de scénario, il y a deux scénaristes qui n'ont pas été crédités, mais que vous connaissez. Enfin, Tarantino. Que... C'est vrai. Il y a Tarantino, et le deuxième, vous ne le connaissez peut-être pas, mais c'est Aaron Sorkin, qui est aussi un grand scénariste, qui a aidé au scénario. Alors, ça, c'est un détail, mais c'est très très drôle. À un moment, t'as Nicolas Cage qui s'enferme dans une salle et t'as le méchant, il envoie une grenade et vous reverrez la scène, il y a une énorme explosion et il y a une lampe qui tombe. Genre, il n'y a rien de cassé, il y a juste une lampe qui fait bing. C'était pas les grenades les plus puissantes du monde. Hein. Et à un moment, ils vont s'affronter en un contre un. Il y a une boule de sarin qui tombe au sol, donc cette espèce de petite perle qu'on a vue qui se casse très facilement. Ouais. Et avant de s'attaquer à lui au corps à corps, il la met dans la poche avant. mec, ça me paraît risqué. Hein. heureusement qu'il l'a pas mis à l'arrière de son jeep, parce qu'il suffit de s'asseoir et puis c'est cool. Il va lui enfoncer dans la bouche, ce qui fait, à mon avis, malin, franchement. Ouais, à mon avis, c'est pas trop agréable. Agréable. Et du coup, quand tu t'enfonces la seringue. L'atropine, À travers ton blouson, en dans plus. Le cœur. Ouais, tu sais, il s'ouvre rien. Enfin, tu sais, bon, bref. Il garde ses deux cuirs. Et du coup, ça t'enlève les cloques. Ouais, tu retrouves une belle peau avec ça. Ça donne du Biactol, en fait. Faudrait peut-être en parler à Ray Liotta. Ouais, ça serait peut-être une solution à son problème. Mais alors, comme on est dans un film de Michael Bay, on va quand même faire péter Alcatraz. Parce que là, t'as les gros avions qui partent et genre, bon, c'est bon, ça vire chocolat, maintenant on va tout faire péter. Donc t'as FBI, Il faut voir les fumées vertes, en gros, c'est ça. Il faut qu'il craque ses fusées. Ouais. En gros, le président décide qu'on va faire sauter Alcatraz. Vaut mieux buter les mecs sur Alcatraz que tout San Francisco. Il y a un très beau monologue du président des États-Unis. On comprend pas d'où il sort, on l'a jamais vu, mais voilà. C'est Sean Connery qui devait le faire. Là. C'est un peu délicat, du coup. Et donc là, ils sont censés péter Alcatraz. Ça crée des problèmes d'incohérence. D'ailleurs, Sean Connery devait faire la femme de Nicolas Cage aussi. Avec des couettes. C'était lui qui avait le rôle de Ed Harris dans la première version. Du coup, on ne comprenait rien. Et donc, du coup, voilà, ils font quand même péter. Il n'y en a qu'un seul, en fait, à partir du moment où il voit les signaux verts de Nicolas Cage, il dit stop, et il y a quand même un con qui a lancé ses missiles. Un cinquième, ça peut être bien, déjà, c'est pas mal. Hein. Heureusement, pas là où il y avait les otages. Moi, je voudrais juste faire une mise au point, parce que là, je me mets à la place de Nicolas Cage. Genre, je sais que j'ai foiré la mission, et je sais que tu as les F-15 qui arrivent vers moi, et je sais que si j'ai de la fumée verte, les F-15 vont s'arrêter. Même si j'ai foiré la mission, je sors le truc vert, c'est bon, les gars, me bombardez pas la gueule, quoi. Et là, eux, ils ont aucun doute, c'est-à-dire, oh, il y a de la fumée verte, c'est bon, il a réussi, tu vois. C'est censé être le plus nul du FBI. il sort la fumée verte, il a forcément raison, quoi. Qu'est-ce qu'il dit que c'est pas un des autres Manos, tu sais, on voit pas. C'est Nicolas Cage. Attends. Ouais, si, c'est lui. À une seconde près, quoi. Moi, il y a un petit détail qui m'a fait rire à la fin, au moment d'une fusillade, ils sont dans une espèce de pièce où il y a une baignoire. Et les prisonniers, ils se baignaient dans des... Il y a un jacuzzi, oui, un spa aussi. Il y a confort. Non. C'était un centre thermal. Prison 4 étoiles. Non, pour le coup, ils sont dans les morgues, donc c'est logique. Non. Voilà. Ouais. On va pas rentrer dans les détails parce que ça te ferait trop d'émotions, Mickaël. Mais tu comprends ça au montage. C'était notre avis sur ce film. C'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. 5 commentaires, 5 étoiles pour. Rock, mais rappelez-moi le nom du film, s'il vous plaît. On commence avec Romario95. Un concentré de talent, feu vert pour fondre dessus comme la petite vérole sur le peuple. Top Moumout, 5 étoiles. Vérole, c'est bien placé quand même. Hein. Ouais. Top Moumout aussi. Hein. N'hésitez pas à le placer avec votre beau-père. Clément Finet qui dit. Mon père l'a vu dans une salle au cinéma, il était presque tout seul, il a dit que c'était magnifique, super. Et moi je l'ai vu sur ma télé, c'est génial, sans qu'à Lucas de Grasse, attention, qui nous dit. Un modèle de film d'action américain. Michael Bay aime que ça pète dans tous les sens, explosion toutes les minutes et artillerie lourde. C'est non, voilà, la réalisation et les scènes sont efficacité absolue. Alors, son unification est absolue. Alors un conseil, prenez votre cerveau et laissez-le à une distance raisonnable de votre tête. Voilà, c'est parfait, maintenant regardez le film. Une super distraction, un régal. Wow, 5 étoiles. Zekil Dur qui nous dit personnellement c'est mon film préféré. Je trouve tout bon dans cette histoire. Casting géant avec mon acteur préféré Nicolas Cage. Musique superbe aussi de mon compositeur préféré avec Trevor Rabin, Hans Zimmer. Tout ça réalisé à part mon réalisateur préféré, Michael Bay. En fait, il a vu qu'un film et il a dit « Ok, cela c'est mes préférés. » Dans mon format préféré, le DVD. Le cinématographique, mon format préféré. Et je l'ai vu dans mon salon préféré, sur ma télé préférée. Bon, ensuite, on finit par Jean-Claude Film, qui nous dit « Michael Bay, après Bad Boys 1, il réalise un super film d'action, réalisant un énorme casting bourré d'acteurs génial. » Le film est visuellement époustouflant. Ce film est à voir pour ses superbes décors. Le scénario est génial, on ne s'ennuie pas. C'est un film à voir absolument. Ce film est un excellent divertissement. Le film s'avère passionnant et plein de rebondissements. Le film est esthétiquement parfait. Un bon film qu'il faut aller voir à tout prix. Ce film est un chef-d'œuvre. C'est un excellent film. Un film génial. Un film original. C'est un super film. Bon film dans l'ensemble. 5 étoiles. Ah, malheur. Voilà, c'était notre avis. Ah, oh, t'en mets encore partout, Antoine. Oh putain, mais c'est bien fait encore, ça. Ah, j'en mets sur mes pompes. Ah, c'est très drôle, gag visuel. C'était notre avis et celui des autres sur le film The Rock. Vous avez compris, on a bien aimé. Quand on est très long comme ça, c'est qu'on aime beaucoup. Voilà. Quant à nous, on va tirer 2 films au chapeau. On va se dépêcher. Je pense que Craig va en tirer un. Bon, tiens, ça, allez. Snowpiercer. Oh là là là, ah oui. là. Est-ce que ça a été proposé par quelqu'un? Ou non, pas du tout. Non, c'est par Sev. Savin USA. Ouais, ça, je pense que c'est Ali. Ça. Savin USA, je savais proposé pas que c'était son nom. Proposé par Savin USA. Bah, non, c'est pas le réalisateur. Hein. Tu vois, il y a des tirets, une parenthèse, c'est pas ça. Hein. Et alors? The Visit. Proposé par Je sais pas. C'est quoi The Visit? The Visit, je sais pas, aidez-moi là. Laissez cette musique de merde. Non, remonte, c'est trop beau. Visit de Damnos. The Visit des Damnés, je comprends pas. Je connais pas. Alors, je crois que c'est l'histoire de mecs qui visitent Alcatraz et les prises d'otages. C'est le film de Shyamalan sorti il y a pas longtemps, mais c'était pour savoir qui l'avait proposé. Non, c'est l'histoire de. Ça dure 30 minutes, c'est des mecs qui visitent un T2. Bon voilà, vous l'avez compris, la semaine prochaine nous parlons de Snowpiercer que j'ai vu. Et j'ai à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Allez, ciao. Antoine. Ta moquette, elle est foutue là.